Leçon 2, exercice 52. Expliquez les circonstances. Décrivez deux actions simultanées. Reliez. Exemple. Être plongé dans la vie artistique argentine, côtoyer les peintres du moment. Elle. Plongé dans la vie artistique argentine, elle côtoie les peintres du moment. À vous. Être coupé de ses racines, avoir des difficultés à s'adapter. Elle. Coupée de ses racines, elle a des difficultés à s'adapter. Être arrivé au bureau avant tout le monde. Découvrir la mauvaise nouvelle. Je. Arrivé au bureau avant tout le monde, j'ai découvert la mauvaise nouvelle. Être persuadé de partir. Tout arrêter. Il. Persuadé de partir, il a tout arrêté. Être décidé à finir le travail commandé. S'enfermer 3 jours. Je. Décidé à finir le travail commandé, je me suis enfermé 3 jours. Être déçu par le groupe. Ne s'intéresser qu'à soi. Il. Déçu par le groupe, il ne s'est intéressé qu'à lui.